Bonjour, mes chers frères et sœurs. Nous allons terminer aujourd'hui le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore une fois dans cette grande vérité que Dieu est trinitaire et qu'on va parler encore aujourd'hui de Jésus et du Saint-Esprit qui vient. Ô mon Dieu, aide-nous parce que c'est le fondement de notre foi, c'est le fondement de l'Évangile, un Dieu trinitaire. Et si on ne comprend pas bien l'Esprit Saint, pourquoi il est envoyé, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va agir, nous sommes des chrétiens qui vont être faibles et souvent découragés et on va avoir de la misère à comprendre. Donc guide-nous par cet Esprit Saint que tu as donné à tes enfants. Amen. Depuis quelques jours déjà, nous parlons de ceux qui aiment Jésus. Souvent, on mélange ceux qui aiment Jésus avec des pensées comme ceux qui aiment leur épouse, ou ceux qui aiment leur conjoint, ou ceux qui aiment leur chien, ou ceux qui aiment leurs oiseaux, ou ceux qui aiment leur auto. Faut pas mélanger ça comme cela, ok? Quand Jésus il dit « ceux qui m'aiment ici », il parle pas de chair de poule. Il parle pas de coup de foudre. Il parle pas de feeling ou de sentiment. Les vérités vont produire des sentiments, mais c'est pas à cause que je me sens bien avec Jésus que j'accomplis ce qu'il vient de dire dans le chapitre 14. Et celui qui m'aime, il prend le temps de dire, mais là, je parle pas d'un feeling, je parle de celui qui garde mes paroles. Parce qu'il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Si tu veux savoir si tu aimes Jésus, tu regardes si tu gardes ses paroles. Les paroles qu'il a déclarées dans l'Évangile de Jean, dans notre contexte, c'est ça, là. Si vous croyez ce que je suis, vous m'aimez. Et ceux qui m'aiment croient ce que j'ai dit en ce qui concerne ce que je suis. Donc, si tu gardes ces paroles, tu peux dire « j'aime Jésus ». Et quand tu dis « j'aime Jésus », ça veut dire que je garde ces paroles. L'un va pas sans l'autre. Ce serait la même chose qu'ailleurs qui dit « si vous croyez, vous allez garder mes commandements. Si vous croyez, vous allez recevoir mes paroles. Si vous croyez, c'est la même vérité ici. Et il promet depuis le début du chapitre 14, je pars, je reviens, quand je suis parti, je vous envoie un consolateur, et quand le consolateur va venir, mon Père et moi, on va demeurer en vous, le Saint-Esprit va demeurer en vous, et vous allez comprendre, vous allez connaître, vous allez saisir les grandes vérités que je vous ai annoncées pendant ces trois années-là. Mais que j'aimerais qu'on comprenne, ça va être important aussi au chapitre 14, 15 et 16. Ce qui est important, c'est que Jésus veut que ses disciples traversent la croix avec lui. Parce que il a averti les disciples. Un de vous va me livrer. Pierre va me renier. Il va dire un peu plus loin, vous allez tous m'abandonner. C'est ça qui va arriver. Devant la nuit catastrophique aux yeux des apôtres. Mais aux yeux de Jésus, c'est le Fils de Dieu va être glorifié. Le Père va être glorifié. Il voit pas la nuit de la même façon que nous, on le voit. Nous allons lire à partir du verset 26. Mais il y avait du verset 20 en ce jour-là. Le jour que le Saint-Esprit va venir. Là, au verset 26, il dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. » Il avait dit, « Je vous ai envoyé un autre consolateur. J'aimerais bien qu'on comprenne. On envoie un consolateur à des gens qui sont tristes, à des gens qui ont besoin d'être consolés. Il y en a qui l'appellent le paraclet, mais le mot dans l'original, il semble, ce que j'ai déjà dit, je suis pas un spécialiste du grec, mais je suis capable de lire sur les spécialistes, et ils sont, je dirais, presque tous d'accord dans la même direction, que le mot veut dire quelqu'un qui vient aux côtés d'un autre qui est dans une situation triste ou difficile. Donc, c'est un accompagnateur. C'est quelqu'un qui vient soutenir. C'est comme quelqu'un qui est faible, je le prends par la table pour le soutenir. Donc, il console. Et ça vient bien, là. Ils ont traduit en français consolateur parce que sont tristes, sont troublés. Il dit au verset 27, ne vous troublez pas. Ne vous alarmez pas. Donc, il dit le consolateur, l'Esprit Saint, ça, il va venir puis il va consoler les croyants, les disciples, que le Père enverra en mon nom. Donc, en mon nom, ici, vous avez une petite idée, là. Vous allez prier en mon nom. Ici, le en mon nom, ça veut dire que Jésus, le Père, va envoyer quelque chose, le Saint-Esprit, parce que c'est le Fils qui l'a demandé. C'est le Fils qui l'a demandé, donc le Père l'envoie. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire demander en son nom. Et la seule raison pour laquelle je vais pouvoir demander en son nom, pas parce que je mets au nom de Jésus à la fin de la prière. Je dis pas que c'est mal de faire ça, mais c'est pas ça qu'il pensait Jésus à ce moment-là. C'est parce que on va le faire, parce que Jésus va habiter en nous. C'est pour ça qu'on va demander en son nom. On est devenu la demeure de Jésus, la demeure du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit étant un autre consolateur, un autre Jésus, entre guillemets, mais on va demander en son nom, par le fait qu'il habite en nous. Donc il dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père va envoyer parce que je vais prier que vous puissiez l'avoir, il va faire deux choses. Il va vous enseigner toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il va vous enseigner toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que, je crois qu'il va le dire un peu plus loin. Il va vous enseigner, c'est parce qu'il va vous enseigner. Soit qu'il veut dire, il va vous aider à comprendre tout ce que je vous ai dit, puis il va vous rappeler tout ce que j'ai dit. Ou ben non, il va vous enseigner toutes choses. Il va rajouter, il va continuer à ajouter des choses à ce qui me concerne. Il va le dire un peu plus loin. Il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais vous pouvez pas les supporter maintenant. Mais l'Esprit Saint va vous les dire. Il va vous les enseigner. Je crois que c'est de ça dont il parle ici. Le Saint-Esprit va enseigner des choses de plus que je vous ai pas dit, mais en même temps, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit, puis il va vous aider à comprendre. Parce qu'il a dit en haut, vous connaîtrez à ce moment-là, vous saisirez tout ce que je vous ai dit depuis les 3 ans que je suis avec vous. Donc, faut faire attention ici. C'est un verset que je crois qu'il faut appliquer aux apôtres, aux disciples qui ont vécu avec lui. Parce que ça ne veut pas dire que si je lis ma Bible, le Saint-Esprit va me rappeler tout ce que j'ai lu. Non. Je crois que les gens qui se rappellent les versets, c'est ceux qui les lisent les plus souvent et qui les apprennent par cœur. Ils vont s'en rappeler. OK? Mais ici, c'est quelque chose qui va se passer spécialement pour les disciples. Malgré que on voit ailleurs que Jésus va dire, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont croire aussi. Donc, il y a des vérités qui sont là, qui vont s'appliquer à nous aussi. Mais je crois que ce qui arrive, c'est que quand les chrétiens étudient, méditent, apprennent les Écritures, l'Esprit Saint va utiliser ce que j'ai appris pour me guider, me conduire, va m'aider à me rappeler des vérités que j'ai déjà apprises. Mais il va pas me rappeler des versets par cœur. Puis il va pas me montrer des choses que je sais pas. Ici, les Saint-Esprit vont enseigner les disciples, qui vont écrire ce que le Saint-Esprit va enseigner, et on va l'avoir nous autres aussi. Verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde donne. Ah, ici, j'ai entendu beaucoup de chrétiens, dans ce temps difficile que nous vivons à cause du COVID-19, citer ce verset-là ici. Dieu va nous donner la paix à travers tout ça. C'est pas de ça dont il parle. Du tout, ça n'a rien à voir avec le COVID-19. Ici, il dit la paix, à ses disciples-là, que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Parce que, faut que je comprenne, si je veux, Seigneur va me donner la paix, va me donner la paix avec, pour m'aider à passer à travers ce qui m'a troublé et ce qui m'a alarmé. Ce qui les a troublés, c'est le chapitre 13. C'est ce chapitre 13 qui les a troublés. C'est pas le coronavirus qui les a troublés. C'est pas des situations dans le monde qui vont mal, la guerre, la maladie qui les a troublés. C'est ce que Jésus a dit, je m'en vais. Vous ne pouvez pas venir. Vous allez tous m'abandonner. Vous allez me renier. Vous allez me vendre, me livrer à la mort. Je m'en vais, vous pouvez pas venir. C'est ça. Il dit, ne soyez pas alarmés et troublés par les choses qui vont m'arriver aujourd'hui, cette nuit et demain. Vous êtes troublés présentement? Par les choses que je vous ai dites, le Saint-Esprit va vous aider à les comprendre et vous allez trouver la paix. Ici, la paix dont il parle, c'est la paix qui vient des vérités bibliques que l'Esprit Saint nous aide à comprendre en ce qui concerne Jésus. J'ai pas peur quand les gens parlent contre Jésus. Je vais avoir la paix quand les gens vont parler contre Jésus, contre Dieu, contre la vérité. Je vais avoir la paix, parce que moi, j'ai cru à ses paroles, j'ai cru à la vérité, j'aime le Seigneur Jésus, je garde ses paroles, et le Saint-Esprit me donne la paix en ce qui concerne Jésus. Parce que ce qui trouble ici les disciples, ce qui alarme les disciples, c'est quelque chose qui concerne Jésus. Donc la paix que le Saint-Esprit va m'emmener, c'est des choses qui concernent Jésus. Ce n'est pas des choses qui concernent les problématiques du monde dans lequel je vis. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ici, il y a ceux qui croient pas à la Trinité, ben, ils utilisent le verset, là, ok? Ils utilisent un verset, là. Ceux qui croient que Jésus était juste une créature ou un ange, ils disent, ah, tu vois-tu, Jésus l'a dit lui-même, que le Père est plus grand que lui. Qu'est-ce qu'il veut dire quand vous devriez vous réjouir? Donc, je m'en vais, ça vous a attristé, mais vous devriez être, de vous réjouir de cela. Pourquoi est-ce que je devrais me réjouir? Il dit, car le Père est plus grand que moi. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle pas qu'il est pas de la même nature que le Père. Il nous a convaincus de ça déjà. Ça fait 3 ans qu'il le répète. C'est pas que maintenant le Père a des attributs que lui n'a pas. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire quand il dit que le Père est plus grand que moi? Il y a une chose de certaine. Peu importe comment vous le croyez, peu importe comment vous l'interprétez, vous devez avoir de la joie à cause de cela. Il dit à ses disciples, vous devriez pas être triste que je parle, vous devriez être plus grand. Je crois pas qu'il parle de sa divinité, parce que tout au long, Jean veut qu'on croie que Jésus est divin. Il a dit tout au long, celui qui m'honore, honore le Père, vous devez m'honorer comme vous honorez le Père, tout ce que le Père fait, je le fais, si tu m'as vu, tu as vu le Père, moi le Père en est un, donc de quoi est-ce qu'il est en train de dire? Il y a quelque chose qui empêche de voir la splendeur de Jésus, la grandeur de Jésus dans le moment qu'il est là, sur la terre. Parce qu'il va dire, dans le chapitre 17, quand il va prier, dans quelques heures, « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Je suis dans une position inférieure ou plus basse que je pourrais l'être, que je vais l'être, que j'étais avant de venir. Donc, ramène-moi dans cette position-là, à ta droite, que j'avais avant le commencement du monde. Donc, d'une façon quelconque, Jésus voit cette position qu'il désire, ce moment qu'il anticipe de retourner s'asseoir auprès de Dieu dans la gloire. C'est ça dont il parle. Il est pas en train de se diminuer, qui est moins grand que le Père, dans le sens qu'il n'est pas de la même nature, qu'il n'a pas les mêmes attributs, mais la position qu'il a pris d'envoyer par le Père, il le met dans une position plus petite, plus basse. Mais maintenant, il va revenir dans la position au chapitre 17, on va en parler, mais qu'on arrive là. Et maintenant, je vous l'ai dit ces choses, afin que avant qu'elle arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez. Donc, je vous ai dit toutes ces choses-là, avant la venue du Saint-Esprit, ma mort, ma résurrection, que je vais monter au ciel. Tout cela, je vous le dis, que le Saint-Esprit va venir au jour de la Pentecôte. Tout ça, je vous le dis, afin que vous allez vous souvenir, c'est ce que Jésus nous avait parlé pendant qu'on était avec lui. Verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous quand le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Donc, je suis pas avec le prince de ce monde. Je suis contraire au prince de ce monde. Et on a vu au chapitre 13, je vais mourir et ça va faire le jugement du prince de ce monde. Il va être condamné, jugé et condamné au plus haut point. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Voyez-vous, cette grandeur qu'il avait parlé au verset 28, on la retrouve ici. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'ai agi selon l'ordre que le Père m'a donné, il dit, de la façon que vous me regardez présentement, la façon que je vous ai parlé, que j'étais envoyé, que je suis venu et que je vais mourir, que c'est ce que Dieu a voulu, vous pensez peut-être que je suis plus petit, mais je veux retourner dans la position de mon Père et à la droite de mon Père dans la gloire que j'avais avant que le monde fût. Mais j'aime le Père et j'agis selon l'ordre du Père. Levez-vous et partons d'ici. Donc vous allez voir dans les heures qui s'en viennent que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Vous allez voir ça. Le monde... afin que le monde sache que j'aime le Père et que le Père. Donc, le monde va savoir, pas juste les disciples, le monde va savoir que Jésus venait de Dieu. Donc, c'est par la suite qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver. Hein? Là, il leur dit ça. Allons-y. Je vais aller faire de quoi que le monde va savoir que j'aime le Père et que j'ai agi selon l'ordre que le Père m'avait donné. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour, merci de ta grâce qui nous a été apportée par Jésus-Christ. Hein? Jésus nous a amené la vérité et la grâce. Ô notre Père du ciel, aide-nous à comprendre les textes en ce qui concerne ta parole, ta personne, ton Fils, l'Esprit Saint. C'est toi, là. Aide-nous à comprendre le mieux qu'on peut comprendre en tant qu'être humain. Afin qu'on puisse comprendre ce que tu as dit, toi. Ô Seigneur, quand les gens parlent contre Christ, quand les gens nous troublent, quand le monde nous trouble en ce qui concerne Jésus-Christ, fait qu'on puisse retrouver la paix dans les paroles que tu as dites, dans les paroles que le Saint-Esprit nous rappelle et nous aide à comprendre. Au nom de Jésus, Amen.